Voulez-vous jouer avec moi? Pièce en trois actes. Personnage. Tout d'abord, Monsieur Loyal. C'est un bel homme, très élégant, mais il est muet et immobile au fond du théâtre, et d'autant plus insensible aux extravagances des autres qu'il est en bois. Auguste, Croxon, Rascas, Isabelle. Ouverture, Charivari. La scène représente une piste de cirque, ronde, comme la lune et comme la terre. Une échelle blanche, des tabourets. Croxon entre. Bonjour, messieurs Loyal, bonjour. J'y viens de travailler. Je ne suis pas en retard, je pense. Et où est monsieur Rascas? Avez-vous vu monsieur Rascas? Non, bon. Quand M. Rascas sera là, je pourrai travailler. Toujours en retard, M. Rascas. Bonsoir, M. Loyal. Il se couche et s'endort. Rascas entre à son tour. Bonjour, M. Loyal. Bonjour, je viens travailler. Je ne suis pas en retard, je pense. Et oui, M. Croxon, avez-vous vu M. Croxon? Non, bon, quand M. Croxon sera là, je pourrai travailler. Toujours en retard, M. Croxon. Bonsoir, M. Loyal. Il se couche à son tour et s'endort. Les ronflements de Croxon ne tardent pas à l'éveiller. Et quoi, vous dormez, M. Croxon? Est-ce vous, cher M. Rascas? Ils s'embrassent. Travaillons. Oui, travaillons. Travaillons. Travaillons. Travaillons. Avez-vous vraiment envie de travailler? Je n'ai pas envie de travailler. Et vous? Moi, je ne peux pas travailler. Et pourquoi vous ne pouvez pas travailler? Parce que je suis amoureux. Et pourquoi vous êtes amoureux? Parce que j'ai vu Mademoiselle Isabelle. Moi aussi, je l'ai vue. Moi aussi, je suis amoureux. Moi aussi, je ne peux pas travailler. Ensemble. « Ne travaillons pas !» Ils remettent leur veston, ils vont tous les deux vers M. Loyal et lui disent « Excusez-nous, M. Loyal, mais nous sommes amoureux et nous ne pouvons pas travailler. » « Mais si le patron voit que nous ne travaillons pas, il va nous jeter dehors. »« Alors travaillons !» Ils quittent leur veston. « Rascas, c'est très embêtant, nous ne pouvons pas travailler et nous ne pouvons pas ne pas travailler. »« Pour pouvoir travailler, il faudrait ne plus être amoureux. » Savez-vous comment faire pour ne plus être amoureux? Non, moi non plus. Oh, j'ai une idée. Non, si. Non, si. Non, si. Extraordinaire. J'ai une idée. Supposons, je ne peux pas le croire, mais supposons qu'Isabelle, elle soit amoureuse de vous. Oui. Eh bien, je ne serai plus amoureux d'elle. Pourquoi? Je dirais comment a-t-elle pu aimer ce petit imbécile de Rascas, qu'il est très laid, qu'il est complètement idiot, au lieu de m'aimer moi. Et je ne l'aimerai plus. Bon. Et vous ne l'aimerez plus non plus. Car vous direz comment a-t-elle pu m'aimer, moi, cette petite dinde, alors qu'elle aurait pu aimer ce magnifique Croxon. Rascas, bonne idée. Nous ne serons plus amoureux ni l'un ni l'autre, et nous pourrons travailler. Voilà. Rascas, bravo, bravo, il y a c'est cela. Faut absolument qu'elle soit amoureuse de moi. Mais non, voyons, ça ne va plus, j'ai dû mal raisonner. Supposons, je disais, supposons, ça ne va plus. Oh, ça ne va plus du tout. Parce que ça va très bien. Croxon, non. Non, j'ai dit non. Tu vas autre chose. Parce que mais ça va très bien. Crockson tire un énorme revolver de sa poche. Tu vends autre chose? Bon, il agite le revolver. Tu vends autre chose? Raskas, oui, oui. Crockson, j'ai trouvé. Raskas, non, si. Non, si. Non, si. Non, si. Extraordinaire. J'ai trouvé. Elle aimera le premier à qui elle parlera. Vous croyez? En tout cas, l'autre devra se retirer. Il n'aura pas le droit de dire son amour. Ah, qu'est-ce bon? Mademoiselle Isabelle! Mademoiselle Isabelle! Ils donnent à leur toilette les derniers soins. Ils lustrent leur chevelure. Refont rapidement le pli de leurs pantalons. Raskas, le premier à qui elle parlera? Oui. Celui-là devra s'en aller. Mais non, idiot, c'est celui-là qu'elle aimera. Raskas, bonbon. Il annonce pour s'en souvenir. Elle aimera le premier à qui elle parlera. Elle aimera le premier qui lui parlera. Elle aimera le premier qui ne lui parlera pas. Crockson appelle. Mademoiselle Isabelle! Ils saluent tous deux longuement. Isabelle. Bonjour, monsieur Loyal. Manquez. Isabelle, bonjour, mes amis. Raskas et Crockson saluent. Isabelle à tous deux, je suis contente de vous voir. Crockson. Tu vois, elle est contente de me voir. Vous êtes très contente de me voir. Isabelle, oui, très contente aussi de voir Raskas. Jeu de scène où les deux compères miment leur triomphe respectif. Isabelle, vous ne travaillez pas ensemble? Non. Isabelle, pourquoi? Crockson, parce que nous sommes amoureux. Ça, c'est drôle, amoureux, vous? Crockson, lui aussi. Raskas, moi aussi. Isabelle, ah, ça, c'est drôle. Et de qui? Ensemble. De la même personne qu'est lui. Ils se désignent mutuellement. Isabelle, de qui? De qui? Je ne peux pas dire. Raskas mime par geste ce que dit Crockson. Isabelle, je la connais, cette femme? Crockson, peut-être. Isabelle, c'est Miss Annabelle, l'écuyère. Crockson, pour qui nous prenez-vous? Elle est grosse, elle est d'un âge certain. Oh non, ce n'est pas Miss Annabelle. Isabelle agacée, qui est-ce? Raskas, par-dessus l'épaule de Crockson, essaie de faire comprendre à Isabelle que c'est elle. Mais Crockson lui envoie négligemment un sang qui lui paraisse sur son visage souriant, des coups de pied dans les tibias qui le font renoncer promptement à cette manifestation. Isabelle, vous ne voulez pas répondre, c'est bien, je boude. Elle feint la colère et va s'asseoir sur le bord de la piste. Crockson, Raskas. Un coussin. Hein? Va chercher un coussin. Pour quoi faire? Pour Isabelle. Tu l'aimes et tu ne veux pas aller lui chercher un coussin? Mais toi, tu ne vas pas lui chercher de coussin. C'est bien, je lui dirai que tu refuses. Non, non, j'y vais. Il sort. Crockson. Mademoiselle Isabelle. Isabelle, qu'y a-t-il? Raskas est déjà là avec un énorme coussin. Pendant que Crockson l'offre à Isabelle, Raskas s'adresse au public. Vous avez vu, hein? Il a voulu me faire le truc du coussin. Mais je suis plus malin que lui. Je vais lui faire le truc de la dépêche. Je vais aller à la poste, et puis dans 10 minutes, quand je reviendrai, on lui remettra la dépêche que j'aurai mise. Elle lui demandera d'aller au chevet de sa tante à Barbizon, et je resterai seul avec Isabelle. Tout seul avec Isabelle. Bonsoir, mademoiselle Isabelle. Je m'en vais. Bonsoir, monsieur Crockson. Il sort. Crockson. Isabelle, c'est vous que j'aime. Quoi? Isabelle, c'est vous que nous aimons. Oh, c'est pas drôle. Pourtant, tout à l'heure, je croyais que c'était Annabelle. Ça ne vous amuse donc pas d'être aimé? Moins qu'il ne le faudrait. Pourquoi? Je suis coquette, c'est mon rôle, je l'ai trop joué. Comment se faire aimer de vous? Essayez de me séduire. C'est difficile? Moins qu'on ne le croit. Certains, ils sont-ils pas venus? Moins qu'on ne le pense. Alors, j'essaye? Essayez. Une, deux, trois. Scène de séduction. Crockson quitte son veston et dit: « Je vais danser !» Roxane remet son veston et demande. Non ? Isabelle, non. Crockson. Bon, alors, je vais chanter. Les violons donnent le la, Crockson aussi, mais c'est en ré dièse. Cacophonie, Crockson essuie ses lunettes et donne enfin le la, le vrai. Il chante. Pour aller jusqu'au bonheur, les routes ne sont pas sûres. Isabelle, pas de romance, croyez-moi. Pour la scène de séduction, pas de romance. Crockson. Bon. J'avais pris mon joli cas pour le donner à mamie. Mamie n'en a pas voulu. Oh là là. Que ferais-je de ton cœur? Je ne puis m'en servir mire. J'aime mieux un beau château. Oh, eh, eh, oh. Ce cœur qu'elle a méprisé, je l'ai trouvé ridicule. Il n'est plus ainsi brisé. Qu'aurait été ventricule là. La chanson finie, il remet son veston. Non ? Isabelle, non. Crockson. Je vais pleurer. Il pleure. Isabelle rit. Crockson. Vous êtes séduite ? Isabelle ne répond pas. Oui ? Isabelle, non. Je ferai pleurer qui je voudrais quand je voudrais. Crockson tient son revolver de sa poche. Je vais vous tuer. Il tire, le coup rate. Non, non, non ! Isabelle, non. Crockson adresse une courte prière au dieu des clowns. « Je vais me tuer. » Il tire, le coup rate. Il n'en tombe pas moins mort en apparence. Au bout d'un instant, il lève la tête. « Non ?» Isabelle, non. « Vous m'étonnez. La chance doit être contre moi. Je vais me faire une réussite. Une réussite express. » Crockson s'accroupit, étale par terre quelques cartes et commence une réussite. Elle ne doit pas réussir car il donne des signes manifestes de son impatience. Isabelle, que disent les cartes ? Crockson, la même chose que vous. Isabelle, non, n'est-ce pas ? Crockson, oui. Il donne à sa fureur un dérivatif. Il joue à faire disparaître les cartes. Isabelle, soudain. Oh ! Crockson, quoi ? Comment faites-vous ça ? Ça quoi ? Oui, comment avez-vous escamoté l'as de cœur ? Comme ça ! Il l'escamote. Isabelle. Encore. Crockson. Comme ça. Il l'escamote. Isabelle, une fois encore, dites. Non. Je vous aime, une fois encore, dites. Vous m'aimez? Vous m'avez séduite. Mais je ne faisais pas peur. Je vous aime. La scène de séduction, alors, elle est finie? Isabelle, rideau. Elle embrasse Crockson sur les lèvres longuement. Comment avez-vous escamoté l'as de cœur ? C'est bien simple. Je l'ai pris comme ça entre les deux doigts, vous voyez ? Là, et puis oups, ça y est, d'ailleurs la main dans la manche. Et vous ? Isabelle, moi ? Comment faites-vous ça ? Ça ? Comment avez-vous escamoté mes lèvres ? Isabelle, comme ça. Elle l'embrasse moins longuement. Crockson, encore ! Isabelle, comme ça. Elle l'embrasse un baiser très court. Une fois encore, dites ! Isabelle, non. Crockson, pourquoi ? Isabelle, la scène de séduction, elle est finie. Elle sort. Elle-même ! Elle-même ! Vous avez vu, hein, monsieur Loyal, elle-même ! Vous avez entendu ? C'est extraordinaire ! J'avais dansé, j'avais chanté, j'avais pleuré, je l'avais tué, je m'étais tué, elle m'aimait pas. J'étais douloureux, et pour faire passer la fureur jusqu'à moi, une carte, elle-même, je ne comprends rien. C'est magnifique. Monsieur Loyal, vous avez vu, hein, elle-même. Monsieur Loyal reste impassible. Crockson. Idiot. Rascasse, entre. Oui, mademoiselle Isabelle. Crockson, traguette. Parti. Bonjour, monsieur Rascasse, je suis content. Je suis très content de vous revoir. Travaillons. mais je ne peux pas travailler. Pourquoi ? Je suis amoureux. Moi aussi, ça n'empêche pas. Traska soupçonneuse avance sur Crockson. Mais pourquoi voulez-vous travailler ? Ça n'est pas naturel. Crockson, parce que je suis gay. Et pourquoi êtes-vous gay ? Parce que je travaille. Raskas va au tableau noir et fait un rapide calcul. Supposons que pi moins l'infini égale parce que je travaille et que alpha plus oméga égale parce que je suis gay. Pi moins l'infini égalera alpha plus oméga et parce que je suis gay égalera parce que je travaille. C'est QFD. J'ai compris. Action, travaillons. Nous ne pouvons pas travailler tout de suite. Pourquoi ? Parce que je sens qu'on va vous apporter quelque chose. On va m'apporter quelque chose ? Oui. On va m'apporter quelque chose ? Oui. On va m'apporter quelque chose ? Mais comment vous savez qu'on va m'apporter quelque chose ? Je ne sais pas, je crois. Un petit télégraphiste apparaît. Pour M. Crockson. Raskas, hein ? Vous voyez ? Crockson déplie la dépêche. Le télégraphiste mon pourboire. Ensemble, nous faisons partie de la Ligue anti-alcoolique. Il le menace, sortie hâtive du petit télégraphiste. Crockson, voyons la dépêche. Venez tout de suite, tante est malade à la Barbizon. Ma tante, elle est malade à la Barbizon. Ma tante, elle est malade à la Barbizon. Ma tante, elle est malade à la Barbizon. Raskas lui tend son chapeau et son parapluie avec une joie évidente. Ma tante, elle est malade à la Barbizon. Il court avec affolement autour de la piste. Il va sortir. Raskas jubile. Crockson sur la porte. Mais je n'ai pas de tante. Il quitte son veston et son chapeau. Travaillons. Raskas, travaillons. Nous allons travailler. Monsieur Loyal, nous allons travailler. Music. Ils sortent et rentrent ensemble aussitôt. Vous avez bien entendu. Nous allons travailler. Music. Marche du petit poney. Le petit poney est sorti, il y a un bruit énorme de gifles en coulisses. Crockson entrant. Mais messieurs, je vous ai giflé. Vous êtes sûr ? Messieurs, je vous ai giflé. Je ne crois pas. Sur la tête de ma mère, je le jure. Vous m'étonnez. Enfin, c'est trop fort. Rappelez-vous, vous avez dit quelque chose, je vous ai traité d'idiot. Vous m'avez traité d'idiot ? Je vous ai traité d'idiot et je vous ai giflé. Ce n'est pas possible. Si vous m'aviez traité d'idiot, c'était à moi de vous gifler. Je savais, alors j'ai commencé. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Vous ne mentez jamais. Alors ? Alors vous n'avez pas pu dire que j'étais idiot. Mais vous êtes idiot. Je ne crois pas. Je vous jure que vous êtes idiot. Je vous jure que je ne crois pas. Vous ne croyez pas que vous êtes idiot ? Non. Ça, par exemple. D'abord, admettons que vous m'ayez giflé. Crockson, mais puisque... Bon, admettons. Alors ? Comment alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Comment ? Mais il faut vous battre ! Je dois me battre ? Vous ne pouvez pas accepter ça ! Il faut se battre à l'épée ou au pistolet jusqu'à ce que l'un d'entre nous meure. Il y a quelqu'un de trop ici. C'est vous. Allez-vous-en. Il faut vous battre. Comment ? Vous me traitez d'idiot. Vous me giflez et il faut que je me batte. Il faut prendre des témoins. Comment ? Vous m'avez giflé, personne ne l'a vu. Et il faut que je le raconte à tout le monde. Il faut vous battre. Je ne veux pas me battre. Pourquoi vous ne voulez pas vous battre ? Je n'aime pas. Pourquoi vous n'aimez pas ? Parce que je suis le moins fort. Pourquoi vous êtes le moins fort ? Parce que je ne me bats jamais. Pourquoi vous ne vous battez jamais ? Parce que je suis le moins fort. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Je suis le moins fort. Alors si on me donne une gifle et que je veuille la rendre, j'en reçois 4 ou 5 avant de placer la mienne. J'ai horreur des coups, j'aime mieux ne pas bouger. Crockson, sans plus attendre, lui administre 4 ou 5 claques retentissantes. Cette fois, je vous ai giflé. Jurez-le-moi. Hein? Sur la tête de votre mère. Sur la tête de ma mère, vous êtes un idiot et je vous ai giflé. Épée ou pistolet? Je ne me battrai pas. Vous avez peur. Comment? Je dis, vous avez peur. Parce qu'il se foudrage. Je crois, monsieur, que vous venez de m'insulter. Il le gifle à son tour longuement. Épée ou pistolet? Nous nous battons à l'épée. Et quand? Tout de suite. La rage décuple mes forces. Je vais vous mettre les tripes au soleil. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Un mot encore. Deux. On ne ment pas devant la mort. Et je vais peut-être mourir tout à l'heure. Eh bien, devant Dieu qui m'entend, je vous jure que vous êtes idiot. Serait-ce possible? Il se prend la tête dans les mains. Je vous remercie de votre franchise. Par contre, si vous avez quelque volonté suprême à me transmettre, pensez à ma mère, dont la pauvre chère vieille petite tête blanche m'était si utile pour jurer. Mourrez tranquille. Mais si toutefois le hasard, ou ma science bien connue de l'escrime, voulait que vous succombassiez, Ascas pleurant, c'est impossible. Crockson, il pleure aussi. Alors, adieu, Vat. Ascas, je vais chercher les épées. Il sort. Crockson pleurant. Soudain, il s'arrête de pleurer. Le sens précis de la réalité lui revient et son dernier sanglot s'achève en un mouvement de gymnastique suédoise excellent pour les biceps. Être ou ne pas être tué? Voilà la question. Il y a tant de jolies blondes par le monde. La vie vaut bien la peine d'être vécue. Je ne vais pas mourir encore. Je vendrai chèrement ma peau. Ascas s'entend. Combien? Crockson, au prix de la vôtre. Ascas, c'est trop cher. Il dépose un lot de vêtements par terre. Qu'est-ce que c'est, ça? Ascas, ce sont des vêtements de mousquetaire. Ah? Il n'y a eu de beau duel qu'au temps des mousquetaires. Ah? On ne meurt élégamment que dans ce costume-là. Mettez-le. Voici tout d'abord un long manteau couleur de muraille. Un feutre orné d'une plume magnifique. Le panache, mon cher. Ils sont ainsi vêtus en mousquetaires. Ils font le tour de la piste avec cet air d'inexprimable orgueil qu'on voit au seul toréador. Marche prétentieuse. Ascas revient avec deux épées. Celle qu'il tend à Crockson est toute petite. Celui-ci la compare du regard avec l'immense épée de Ascas et sort pour revenir avec une épée plus longue encore qu'il cache derrière son dos. Salue narquois de part et d'autre. Ascas. Allez, messieurs! La nouvelle épée de Crockson suscite alors chez Ascas une bien légitime terreur. Ils avancent l'un vers l'autre avec une extrême circonspection. Le premier engagement des fers les fait s'enfuir tous deux, l'un à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche du théâtre, où ils continuent de ferrailler aveuglément contre un ennemi imaginaire. Crockson s'aperçoit le premier de la couardise de son adversaire et par un mouvement tournant tente d'arriver jusqu'à lui. Ascas surprend la manœuvre et fixe avec une attention prodigieuse le pied de Crockson. La curiosité de celui-ci ainsi aiguisée lui fait perdre toute prudence. Il cherche sur le sol autour de lui ce qui suscite chez son partenaire un tel intérêt, jusqu'à ce que Ascas lui pique le pied de son épée. Fureur de Crockson et ruée silencieuse, tellement qu'ils n'engagent pas leurs fers mais leurs jambes et que les bras de chacun armés d'une inutile épée s'agitent derrière le dos de son rival. Ascas, vous êtes congestionné. Moi? Oui. Non. Je vous demande pardon, je vois rouge. Crockson, nous ferraillons beaucoup. Mon épée n'en sera que mieux aiguisée. Il se dégage. Ascas s'élance à la poursuite de Crockson. Celui-ci se réfugie sur l'échelle et soudain... Oh! Il désigne quelque chose d'invisible en l'air. Oh! Oh! Oh! La curiosité de Rask a ses piquets et ses fesses aussi presque aussitôt, car Crockson profite de ce qu'il a le dos tourné pour lui enfoncer son épée dans le derrière. Mais Raskas a pris la précaution de le protéger par un énorme et d'ailleurs visible coussin qui oppose à la perfidie de Crockson un sur-obstacle. Celui-ci, après s'être assuré, en l'affichant sur le sol de la solidité de son épée, recommence son inutile manœuvre. Raskas reste impassible. Crockson expérimente la lame de son épée sur ses propres fesses et pousse un rugissement. Raskas sardonique. « Vous a-t-on déjà ouvert le ventre ?» Il aiguise son épée avec un canif. Crockson atterré. « Non, moi si. C'était sur une table d'hôpital, on ne sent rien. Ce n'est pas du tout désagréable, vous allez voir ça. »« Mais on vous avait endormi. »« Est-ce que je vous endormirai aussi ? Il faut bien rire un peu. » Crockson pâle sourire, évidemment. C'est à ce moment que Raskas perd le coussin qui était toute sa force. Crockson le gifle, lui botte les fesses et triomphe bruyamment. Raskas pitoyable. « Tuez-moi, mais je vous en prie, ne me margez pas sur les pieds. » Auguste dans la salle. « Voulez-vous jouer avec moi ?» Stupeur des deux autres. Comment ? Auguste, je suis dans le public. Voulez-vous jouer avec moi ? Nous ne jouons pas avec les publics. Oh, monsieur Crockson, vous savez mon nom ? Bien tous les soirs. Crockson Raskas. Il sait notre nom, tu vois ? Ah, Auguste Radoussi, mais vous ne savez pas travailler comme nous. Non ? Vous voulez apprendre ? Oui, Crockson. Bon. Il veut apprendre. Monsieur Loyal, il veut apprendre. Monsieur Loyal, je vous présente Auguste, je m'appelle Auguste. Bien conventionnel. Enfin, je vous présente Auguste, Monsieur Loyal. Vous savez qui est Monsieur Loyal ? Non. Vous ne savez pas qui est Monsieur Loyal ? Non. Retournez dans le public. Mais qui est Monsieur Loyal ? C'est le chef. Il a l'air gentil. Il est très gentil, mais il ne badine pas avec la consigne. À ce qu'elle se dit avec le reste, d'ailleurs. Auguste, il a de bons yeux. Crockson, ses yeux ne vous regardent pas. Non, il ne me regarde pas. Il n'est pas malade. Je lui trouve le regard un peu fixe. C'est sa force. Parce qu'il y a ce pari qu'il vous fera baisser les yeux. Augustin, il a un fouet. Hein, il a un fouet. Parce que c'est le chef. Crockson, oh, il ne s'en sert jamais. Auguste sait assez qu'il l'est. Crockson, alors, vous voulez jouer avec nous? Voulez-vous jouer avec moi? Raskas, vous voulez devenir clown ? Crockson, c'est bien facile. Mettez-vous là. Dos au public, mon ami, dos au public, toujours. Il l'installe, efface avec sollicitude les plis de son veston, s'élance et lui botte les fesses. Auguste, oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Auguste, j'ai dit oh. Pourquoi vous dites oh ? Faut pas dire oh. Ah ? Ne bougez pas. Il lui botte les fesses. Vous avez fait oh ! Auguste, je n'ai pas fait haut, je n'ai pas fait haut. J'avais bien envie de faire haut, mais je n'ai pas fait haut. Faut pas avoir envie de faire haut. Ne bougez pas. Il lui botte les fesses. L'art du clown est là tout entier. Il lui botte les fesses et comme Auguste, à chaque coup de pied, s'est reculé vers la toile de fond, Crockson le remet en bonne place. Ne bougez pas. Voyez-vous, le coup de pied au cul est la plus noble invention de l'homme. C'est ce qui le rend supérieur à la bête. Il lui botte les fesses. Avez-vous songé à ce qu'il a fallu de merveilleux hasards pour que le pied, fait pour marcher, et les fesses faites pour s'asseoir, se rencontrassent ? Il lui botte les fesses. Puis il le tourne vers Raskas et dit gracieusement à celui-ci, « À vous, Raskas. Il n'est pas de tâche plus noble que la nôtre. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. » Il lui botte les fesses. Et tout en roulant une cigarette, il continue. « Le coup de pied au cul grandit l'homme. » Et puis c'est le métier qui veut ça. Il lui botte les fesses. Un paillasse est un homme sur qui on s'essuie les pieds. Il va s'en aller. Ah, j'oubliais. C'est par un entraînement rationnel que vous parviendrez à considérer une partie de tape-cul comme un véritable plaisir. Il lui botte les fesses et dit à Crockson, entraînons-le. Il lui botte les fesses à tour de rôle avec un air d'indifférence profonde, en comptant seulement attentivement « une, deux, une, deux ». C'est très bien, mon ami, vous avez des dispositions. Travaillons. Nous ne pouvons pas travailler sans Isabelle. C'est à elle d'entrer. Rascas. Isabelle, Isabelle. Vous ne pourriez pas dire mademoiselle Isabelle comme tout le monde? Rascas, je vous dirai ce qui me plaira. Crockson. Ah, vous m'énervez. Il botte les fesses d'Auguste. Rascas, j'en ai assez. Il botte les fesses d'Auguste. Crockson, ça va changer. Même jeu. Rascas, j'en suis sûr. Même jeu. Un de nous deux mourra. Même jeu. Rascas, vous. Même jeu. Crockson, vous. Même jeu. Ensemble. Ça ne peut pas durer. Il lève le pied en même temps. Crockson, après vous. Rascas, je n'en ferai rien. Crockson, je vous en prie. Rascas, c'est bien pour vous faire plaisir. Il botte les fesses d'Auguste. Le petit télégraphiste entrant. Monsieur Crockson, s'il vous plaît. Crockson, c'est moi. J'ai une lettre pour vous, confidentielle. Monsieur Rascas, s'il vous plaît, Rascas. C'est moi. J'ai une lettre pour vous, confidentielle. Chut. Il sort. Confidentielle, chut. Il lit en aparté. Monsieur Rascas a rendez-vous à 3 heures avec mademoiselle Isabelle, un ami qui vous veut du bien. C'est trop fort. Il botte les fesses d'Auguste qui n'a pas bougé. Rascas lit en aparté. Monsieur Crockson a rendez-vous à 3 heures avec mademoiselle Isabelle, un ami qui vous veut du bien. C'est trop fort. Il botte les fesses d'Auguste. Crockson, regardant l'heure, a une énorme montre qu'il a au poignet. 3 heures moins 5, je n'ai que le temps. Rascas, qui sort aussi, l'aperçoit. Tiens, vous partez? Mais vous-même. Moi, c'est vrai, oui, j'ai affaire. Crockson, il a affaire, bondi. Excusez-moi, je suis un peu pressé. Rascas, un peu pressé, gredin. Au revoir, cher ami. Au revoir, à tout à l'heure, cher ami. Ils sortent avec des visages crispés. Auguste. Isabelle. Isabelle. Isabelle entre. Isabelle entrant. Quoi, personne? Si, moi. Qui, vous? Auguste. Je suis Auguste. Mais les autres, partis. Où? Où je les ai envoyés? Comment? Je leur ai écrit des lettres, ils vous attendent. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je vous aime. Vous ne m'avez jamais vu. J'étais dans le public. Pourquoi n'y êtes-vous pas resté? Parce que je vous aime, d'ailleurs. Ah. Pourquoi faites-vous haut? Oh, je n'ai pas fait haut, je n'ai pas fait haut. Que faites-vous alors? Je fais... Qu'est-ce que c'est? Je soupire. Ah, vous soupirez? Oui. Pourquoi soupirez-vous? Parce que... À cause de quoi? À cause de parce que... Mais pourquoi soupirez-vous? Parce que je vous aime et que je sens que mon amour sera malheureux. À quoi le sentez-vous? Je le vois. À quoi le voyez-vous? Je vous entends. Qu'entendez-vous? Je ne vous touche pas. Que faut-il faire pour vous toucher? Isabelle, vous m'aimez, dites-vous. Voulez-vous jouer avec moi? Le jeu d'amour, la tendre guerre. Mais ne cherchez pas pourquoi l'ennemi, c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas l'atout. Voulez-vous jouer avec moi? Un jour, un an, la vie entière, avec moi. Seule l'audace est souveraine, et les valets valent les rois. Les fous protègent les reines, au jeu du jamais 203. L'amour, c'est un coup de poker, un jeu de passe impair et manque. Venez, venez tenir la banque. Au jeu, d'à tous les coups l'on perd. Voulez-vous jouer avec moi? Le jeu d'amour, la tendre guerre. Mais ne cherchez pas pourquoi l'ennemi c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas l'atout. Voulez-vous jouer avec moi? Un jour, un an, la vie entière. Avec moi. Auguste, oui, oui, je veux bien jouer avec vous. Isabelle, non, vous n'êtes pas drôle. Auguste, je sais très bien recevoir les coups de pied. Trop peu. Je pourrais les rendre. Oh, ça, c'est trop. J'ai une belle âme. Moi aussi. Mais c'est pas la même. Ça en fait deux. Je vous présenterai ma belle âme. La connaissez-vous? J'ignore la mienne. Auguste, vous vivez si peu avec elle. Isabelle, oh, vous êtes méchant. Bonsoir. Je vous demande pardon. Bonsoir. À genoux. Isabelle, vous vous agenouillez facilement. Auguste, ben, quand on adore, on prie. Isabelle, vous m'aimez? Vous m'aimez. Prouvez-le. Avec une maladroite précaution, il lui prend la taille, elle le gifle. Je vais être respecté, Auguste. Oui, respectez-moi. Oui. La belle preuve d'amour que vous me donnez là, je ne suis pas une fille. Non, je ne suis pas votre maîtresse. Non, alors? Ben oui, alors. Isabelle, vous parliez de moi comme d'un dieu tout à l'heure. Et vous me prenez la taille, on ne prend pas la taille de Dieu. Non, souvenez-vous de mon conseil. L'étiquette. Quoi? Isabelle, les femmes attachent beaucoup d'importance à l'étiquette. Auguste, parce qu'il y a le prix dessus. Isabelle, riant, idiot. Je suis un idiot qui vous aime. Isabelle, c'est fini. Plus un mot là-dessus, je ne veux plus entendre parler de votre amour, je ne sais qu'en faire. Moi non plus. Un temps, Auguste soupit. Isabelle, oh! Auguste, excusez-moi, c'est une erreur. J'ai soupiré par erreur. D'ailleurs, ai-je soupiré? N'était-ce pas plutôt le bruit du vent dans les ramures ou la chanson d'une âme errante en mal d'amour? Isabelle, que dit-il? Auguste, tout est possible. Je ne vous parlerai plus de mon amour, rassurez-vous, mais je suis presque clown et j'ai toujours été poète. Laissez chanter en moi l'orgue de mon amour. Isabelle, je ne comprends pas. Auguste, je vous assure que je suis poète. Les couchers de soleil sur la mer n'ont plus de secret pour moi. Pourquoi me parlez-vous des couchers de soleil? Le gazouillis des oiseaux est ma langue naturelle. Mais pourquoi me parlez-vous du gazouillis des oiseaux? Auguste, je peux converser avec les sources et je comprends leurs réponses. Les branches des arbres me font de grands saluts au passage. Les branches basses me tapotent même parfois le visage amicalement. Je connais par cœur les partitions des rossignols et je pourrais les reprendre sur une fausse note. Isabelle, je n'ai jamais entendu parler de tout cela. C'est que vous n'avez pas connu de poète. Votre bonne étoile, car où il y a des poètes, il y a toujours des étoiles. Votre bonne étoile en place un sur votre passage, l'allez-vous donc dédaigner? Isabelle, avec un peu de mélancolie. C'était pour ça. Que ne le disiez-vous tout de suite? Auguste, c'était pour ça. Suivez-moi, je sais soupirer en alexandrin et pleurer en acrostiche. Isabelle, les étoiles, les gazouillis, les sources, c'était pour ça? Auguste, je suis poète, alors n'est-ce pas, c'est tout simple. Je connais les choses les plus diverses. Savez-vous, par exemple, que les chiens qui aboient à la lune sont les frères inférieurs de mon ami Pierrot? Inutile, la lune. Non, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je le sais. Savez-vous que les femmes n'aiment les diamants que parce que ces pierres ressemblent à des larmes? Non, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je le sais. Savez-vous que les femmes insensibles et froides sont plus dangereuses que les autres parce que la neige et la flamme ont sur la chair le même effet? Non, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je le sais. Isabelle, savez-vous escamoter les cartes? Non. Eh bien, moi, je le sais. Adieu. Auguste, pourquoi? Isabelle, parce que. Auguste, mais à cause de quoi? Isabelle, ironique. À cause de parce que. Elle sort, Auguste tombe sur le sol. Auguste, oh! Crockson entrant. Pourquoi vous êtes là ? Parce que je suis mort. Et pourquoi vous êtes mort ? Parce qu'on m'a tué. Et qu'est-ce qui vous a tué ? Une parole d'Isabelle. Et de quoi vous êtes mort ? C'est d'amour que je suis mort. Vous êtes amoureux d'Isabelle ? Oui. Mon pauvre ami, mais elle en aime un autre. Ça m'est égal. Faut pas être amoureux, croyez-moi, faut pas être amoureux. Il est faussement apitoyé, il le relève avec beaucoup d'apparente tendresse. Ça fait beaucoup souffrir d'être amoureux, je vous assure. Il lui botte les fesses. Faut pas être amoureux, et surtout pas d'Isabelle. Il lui botte les fesses. Auguste qui suit son rêve intérieur. Savez-vous escamoter les cartes ? Je sais escamoter les cartes. Comment faites-vous ça ? Donnez-moi une pièce de 100 sous. Pourquoi ? Les cartes ne glissent pas bien. Vous verrez mieux comment je fais. Auguste, ah, il donne la pièce. Voyez ? Comme ça. Il escamote. Je n'ai pas bien vu. Donnez-moi une autre pièce. Mais l'autre ne peut plus servir. Pourtant, elle était bonne. L'autre ne peut plus servir. Ah, il donne une autre pièce. Crockson, voyez, comme ça. Il escamote. Auguste qui pleure. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Alors je vais vous montrer autre chose. Ah, Ascas est entré. Crockson, donnez-moi une autre pièce. Je vais l'escamoter et la transformer en boc de bière. Oh, ça, oui, oui, ça. Mais c'est impossible. Crockson. Ascas, est-ce que c'est impossible ? Ascas lugubre. Ce n'est pas impossible. Crockson, donnez-moi une autre pièce. Auguste s'exécute. Voyez, comme ça. Et maintenant, monsieur Ascas, allons boire la bière au café. Il sort suivi de Ascas. Auguste seul. Oh ! Oh ! Oh ! Puis soudainement, faut pas dire oh. Il ramasse le jeu de cartes que Crockson a laissé par terre et il s'essaie maladroitement à faire disparaître l'as de cœur. Rideau.